la peau. Qu'est-ce que tu ferais pas pour la peau? Acabamos de escuchar Por la Po, Por la Piel, del disco Auguri del año 2001. Eso es, un gran disco del que luego también hablaremos, porque sí, tiene su importancia. El disco de la confirmación. Yo he hecho una pequeña encuesta a mi alrededor para ver quién conocía a Dominica y ha sido un fracaso total. Casi nadie lo conoce, y eso que es uno de los... Adalides de la Noa Sanson francesa. ¿Qué más? Pero bueno, en fin. Vamos a empezar con nuestro querido Dominique A. Al que, bueno, a mí me gusta mucho, pero así eres devoto fan y seguidor. A mí me encanta. ¿Cuántas veces le has visto ya? Pues le he visto en 2004, 2007, 2009, 2012, 2013 y el fin de semana pasado. Pues fíjate. Pero no me estaba olvidando contarlo. 5 o 6 veces. Muchas veces. Una vez por cada disco que ha sacado. Vamos a empezar. En el siglo XXI. Comentando, como bien decía Sier, este hombre nació en Provence, en Francia, ahí a 90 kilómetros de París. Y un pueblecito muy pequeño que tiene un castillaco que te cagas. Un pueblecito del que él mismo dijo que nunca vería a un alcalde de izquierdas en el pueblo, para que nos hagamos una idea de. Sí, sí. Se ve que el ambiente es bastante conservador y así lo cuenta también en su primer libro de relatos autobiográficos que se llama Regreso. Porque él habla un poquito de eso, ¿no? De cómo los lugares en los que te desarrollas, en los que vives, en los que creces, te marcan incluso más que tus experiencias. Sí, tus relaciones con los amigos y la familia y todo el rollo. Un libro muy, muy recomendable, por cierto. Y bueno, pues Dominica, que crece en ese pueblo de Provence, escuchando la música de los discos de sus padres, de Brel, de... Leo Ferrer. O de Jean Ferrat. Pero ahora vamos a quedar con el viejo anarquista de pelo blanco, Leo Ferrer, y su canción. Que se titula precisamente Los Anarquistas, Les Anarchistes. Del año 69. Y'a la paz, se sent, y pourtant, ils existent. La plupart espagnols allez savoir pourquoi faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas les anarchistes. Ils ont tout ramassé des peignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Y'en a pas un sursaut et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur des anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas 700 et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Quel lapin sur sang. Ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. A los 15 años se traslada la familia del señor Dominica. La familia A. La familia A. Bueno, Anne en realidad. Sí, se traslada. Bueno, claro, no hemos dicho su nombre de verdad. Dominica Anne. Dominica Anne. Como se firma sus libros, aunque luego se lo ponen en grande Dominica para que la gente, la poca gente que lo conoce, para que no se equivoque, en Francia, lo compre. A los 15, como decíamos, se van a Nantes. Ahí, pues va el tío va a montar su primer grupo, un grupo llamado John Merrick. John Merrick por el hombre elefante. Sí, señor. Y bueno, ahí se van a empezar a ver sus influencias, sus primeras influencias de grupos franceses y adláteres como Taxi Girl, Sappho, Marquis de Sade, Noir Désir. Y mucho gótico y mucho post-punk y mucho británico de los Cure, Joy Division, Bauhaus y compañía. Pero vamos a quedarnos con la cantante franco-marroquí Sappho. Llamada Daniel Ebeki. Y uno de sus temas, también bastante góticos y bastante electrónicos, de principios de los 80, que se llama... Le Dormeur du Val, del disco Barbarie, como decía Sierre, 1982. Bueno, pues con todas estas influencias, Dominique está haciendo música desde bien pequeño y se cuenta que le hizo su primera canción, la debió hacer con 8 años a una chica que le gustaba, pero debía ser una canción muy propia de él que acababa mal. Y hecha con ocho años. Bueno, en fin, pero ya cuando se pone un poco serio empieza a grabar cintas, se las empieza a vender a sus amigos, debe ser el típico colega pesado que te está ahí vendiendo cada churro que saca. Luego se profesionaliza un poco y saca un vinilo, 150 ejemplares de un disco que le llama el disco sordo. Que hoy en día hay ediciones más pequeñas que sí, sea. Sí, sí, sí. Y que se consideran exitosas incluso, que están en las listas de éxitos. Y en el 92 ya saca su disco con una casa de discos, con la casa de discos de Nantes Lithium. Y saca el disco La Fossette. Y bueno, de hecho, ahí es donde data, digamos, su primer éxito, entre comillas, dentro un poco todo del underground. Su primer éxito underground, y que él, hace poco en una entrevista que le preguntaban, consideraba que era quizás su canción su canción intemporal. Sí, sí, también es un disco en el que el tío se dedica bastante, bueno, él dice que fue una reacción también ante todos los grupos franceses estos que cantan en inglés. Bueno, esto nos puede sonar tan bastante aquí, porque era y sigue siendo, y un poco pues... una reacción a la sobreproducción de los años 80, él hace un disco espartano, supongo que también porque tampoco tenía muchos medios. Sí, porque luego más adelante, en algún momento se ha olvidado de lo espartano. Sí, sí. Todos crecemos y nos hacemos mayores, nos aburguesamos. Pues ahí hay un tema muy chulo que se llama Le Courage des Oiseaux. Sí, vamos a hacer un pequeño truco de estudio y vamos a poneros la versión que sale en Le Disque Sourd, este disco que se dedicó a vender a los colegas. 1991. En La Fossette. 1992. Que ya es un disco ya producido un poco más en serio. Y la versión que hizo en directo en la gira de 2007 y que grabó en su disco... Sur nos forces motrices. Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. We'll be right back. Merci. Bueno, después de sacar un segundo disco titubeante, sale La Mémoire Neuve. En 1995, de hecho. Que supone ya un éxito un poco más amplio. Sobre todo con una canción que canta a dúo con su compañera de aquel momento, François Brett. Pero bueno, él dice que, bueno, en realidad esta canción es torpe, a pesar de que tuvo éxito, y de hecho rechazó participar en los premios de la música para los que estaba nominado, o sea, como diciendo, mira, pues no soy digno de tal nominación porque esta canción no es para tanto, ¿no? Sí, además Dominica, aunque siempre ha rechazado, digamos, hacer política o transmitir su ideología en las canciones, sí que se ha posicionado claramente en muchos momentos sobre diferentes aspectos de la vida de su país, y también ha dicho en más de una ocasión que considera que el pop y el rock son agentes del gran capital. Y vamos a escuchar Le 22 Bar. Au 22 bar, on dansait. C'était plutôt inhabituel. Alors, bien sûr, j'en profitais. De bras en bras, les gens passaient. Ça n'était qu'un temps court pour se relancer. Et puis, se remettre à danser. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me tournais. Au 22 bar ce soir-là, on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était, non. Pas plus que les gens qui dansaient. Si par hasard ils s'arrêtaient et ils sentaient de vieux décors se balancer, plusieurs fois manquer de tomber. Et du coup de bras en bras ils repassaient. Alors on se laissait aller au 22 bar ce soir-là. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler. Personne quand je me tournais. Au 22 bar ce soir. Chaque fois que je le voyais, je l'appelais puis il me cachait. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'attendais le bon moment pour l'aborder et sentir son sang se glacer. En 1999 saca otro disco, Remué, que también es un disco complejo, el Remué este. Es una especie de respuesta al éxito de su disco anterior y realmente es un disco de difícil escucha. retorcido y oscuro como el solo. Por cierto, yo... Y que coincide también con la separación de Franz Weber, que supongo que también ayuda. Seguro que ayuda en algo. Yo creo que es buen momento para que hablemos de algunas colaboraciones que ha tenido el amigo Dominic A. El Dominic es que no para. O sea, lleva 20 y tantos años haciendo discos, sacando colaboraciones, haciendo canciones para otra gente. Y a finales de los 90 colaboró con el mismísimo Jan Tiersen. Efectivamente. En su disco Le Phare. Le Phare, de 1998. Hizo algunos temas ahí. Por ejemplo, podemos poner el tema Le Bras de Mer. De l'endroit où je suis, on voit des bras de mer qui s'allonge, puis renonce à mordre dans la terre. Nous sommes là, nous recommençons tout. J'ai du mal à y croire, je vois des bras de mer, je vois des bras qui otra parte, muy mal con Françoise Brod no debió acabar, o quizás después hubo una reconciliación que aunque rompieron en su momento, él luego ha seguido colaborando con ella en discos. Yo creo que sí. Que eso es complicado, ¿eh? Y ahí está, en el 2000 sacó también una serie de temas con Françoise Brod. Sí, le compuso casi la mitad de su disco y compuso el que es el tema titular del disco, que se llama... Vingt à trente mille jours. C'est sûr, pour bien faire c'est trop court, n'avoir devant soi que vingt à trente mille jours. Le ciel peut bien ne pas brûler, il ne donnera rien contre les jours passés. Ce jour-là, je l'ai gagné, je l'ai porté. Pourquoi? De quel autre va-t-il accoucher? Sans douleur, si mes mains sont gantées. Faire un tour, tourner, tourner autour du jour, lancer et quittons sans se défendre si le suivant qui l'a un peu poussé. C'est sûr, pour bien faire c'est trop court, avoir devant soi que 20 à 30 000 jours. Surtout à vivre retourné, cherchant du regard tous les films déroulés. Beaux fantômes, ces jours d'été, ces jours d'automne, lovés. Dans leur honte, tous leurs habits jetés. À nos pieds, s'envoler pour prier. J'ai tout fait, j'ai tout tenté pour le combler ce jour. Il faut voir comment il remercie. De quel bord sur l'échelle d'une vie. C'est sûr, pour bien faire c'est trop court, n'avoir de soi que 20 à 30 000 jours. Le ciel peut bien ne pas brûler, il ne donnera rien contre le jour passé. Llegamos al siglo XXI. Burla burlando. Burla burlando. Ay, llegamos. Cuando te pones, cuando es que, te pones somos, que mediano, es somos. Que vamos. Me recuerdas a Mariano. Joder, a Mariano Aro. He hecho un pareado. Llegamos a Auguri, el disco del que os hemos hablado antes, en el 2001, un disco producido por John Parish. Impresionante. Y, bueno, es un poco el disco que le consagra y un poco el que marca el estilo del Dominica desde el 2001 hasta nuestros días. El Dominica que yo más conozco, tú sí. Tienes... mucho más trabajado todo lo anterior. Sí, aunque él mismo dice que este disco y el siguiente son discos de transición y que su, digamos, periodo clásico empieza un poco más tarde, pero realmente este es el disco de Dominica. De hecho, el siguiente, el del 2004, que hablaremos un momento también, el Tu Soja Como Avant, es un disco que a mí me encanta. Impresionante. Particularmente. También. Es que son todos impresionantes. Y bueno, pues en este Auguri hay dos magníficas versiones. Una de Polyphonic Size, Je t'ai toujours aimé, y otra de Melina Mercury, Les Enfants du Piré, que por cierto fue Oscar la mejor canción en 1960, una composición de Jean-Louis Dimanche. Bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant, griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent, et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges, tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Si d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux, le long des quais flânent toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu, et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges, tous les visages d'anges des enfants du Pirée. En 2002, otro personaje francés del que os hemos hablado, en una ocasión al menos, Alain Bashung, saca La Imprudence. Y es un disco pues así como... Una producción... Sí, fuerte, potente, lujuriosa, digamos, ambulosa. Muy, muy oscuro, pero con una producción impresionante, súper rica. Y Dominique lo escucha y dice... Yo voy a hacer algo así, eso, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a ese momento, vamos a escuchar Fête Montée de Alain Bashung, de su disco La Imprudence. Dans ma cornue, j'y ai versé six gouttes de ciguë. Un peu d'espoir, ça a des épaisseurs. Et j'ai touillé. Du fond de ma boutique, monte un cantique. Un hymne à l'amour, orifère, ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure. au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornée, j'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis en souvenir de ton corps. Dans ma cornée, j'y ai coulé une poignée de rage. Dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans les faubourgs, je décante. Le soir, à la lune montante, au matin, je reprends connaissance. Ébullition, réaction. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Faites monter. Faites monter. Faites monter l'adrénaline. Faites monter l'arsenic. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Faites monter. Y el bueno de Dominic pues decide hacer un disco al estilo del de Alain Bashung, contrata a varios de los productores que participaron en L'Impertons y le sale Tout sera comme avant. Gran disco. Todo será como antes. Que es un disco impresionante, pero que a Dominic le deja a medias porque siente que las voces y la instrumentación, como que la instrumentación se come a su voz y que su voz acaba pareciendo cualquier cosa frente a la ampulosidad y a la impresionante instrumentación que le rodea. Cosa que yo personalmente no aprecio, pero que seguro que es verdad. Os ponemos un ejemplo con este Bowling. Alors le bras sur son épaule, elle arrive force à claquer. Seuls quatre des qui sont tombés, les voir t'a fait rater ton coup. Elle aurait pu attendre un peu, aller avec toi jusqu'au bout. Vous quittez le bowling ensemble, ils traînent à l'arrière tous les deux. Tu ne l'aimes pas mais il te semble qu'elle aurait pu attendre un peu. Il y a le coup franc d'allumer, on est encore loin des deux heures. Les autres te voient appliquer sale, et leurs verres font les cascadeurs. Ta tête les fait tous bien marrer, qu'as-tu raconté tout à l'heure? Tu as encore dû t'avancer trop, mais pour qu'une qui tombe il faut viser. Et tes yeux sans doute sont trop lents, d'autres les font tomber avant. Tu t'es fait jeter du café, ils t'avaient jamais vu comme ça. Seule la nuit ne peut pas te lâcher. C'est dommage qu'elle n'ait pas de bras auxquels tu puisses t'accrocher. Et tu te revois au bowling ce soir. C'est toi qu'on a visé. Toi là qui s'est fait dégommer. Toi qui pensais être le bras, celui qui attendrait le mieux, celle qui voudrait attendre un peu. Ça serait pas mal d'y retourner, d'aller tout dégommer d'un coup. Mais à cette heure-là, c'est fermé, tiens. Y'a de la lumière chez le fou. Et tu entends des gens brailler, on trouve il y a du monde partout. C'est fait le fou, c'est fait virer par ici. On ne fait bien que des choses comme ça. Même la fille du bowling est là et seule. Et comme elle te voit, elle vient se coller contre toi. Ta colère s'en va dégoûtée. Il y a la plage mais il fait froid. Et ton petit frère dort chez toi. Vous ne savez pas où aller, non. Vous finirez bien par trouver. Et c'est doux, ça ressemble à rien. Vous ne comprenez pas tout très bien. Vous ne comprenez pas le soleil qui vient. Vous cherchez le matin, l'aube. Vous n'y connaissez rien. Et vous pensez que tout se paye. Vous ne comprenez pas vos mains et ce sur quoi vos bouches chambrent. Et ces nœuds que vos bouches démêlent, non vraiment ça ne vous dit rien. Vous êtes bien tous les deux pareils. Vous ne savez pas que vous avez faim. Y en 2006, ya nos hemos plantado en 2006, solo 10 años antes de nuestra fecha actual, sale un nuevo disco, un disco que se llama L'Horizon, que es un pedazo de disco con una canción tremenda que es precisamente A L'Horizon, pero que como es muy larga no lo vamos a poner. Eso es, pero que tiene muchos otros temas muy buenos. De hecho, os vamos a poner La Pleureuse. Au cœur de la marée. Je serai ta pleureuse quand ça rigolera. Je geindrai à cœur joie dans l'arène gauloise où le bateau s'agace. Ceux qui craignent de voir leur propre peine en face, je serai ta pleureuse. Plombeur de ces dames ou en consolateur, si tu y trouves ton compte, j'inonderai ton cœur. Et que le beau Danube se transforme en la Meuse, et je suis ta pleureuse. Oui, je suis ta pleureuse. Pour toujours ta pleureuse. passe en moi de ce sourire au coin qui de l'époque me fait être aussi un larbin. Mais secoue-moi un peu que reviennent périlleuses mes armes de pleureuse. Oui, je suis ta pleureuse. Toujours ta pleureuse. À jamais ta pleureuse. Pues para el siguiente disco de Dominique decide hacerlo encerrado en su casa, literalmente se compra ahí un grabador de pistas y se pone a grabar una cosa sobre otra, un disco electrónico a base de sintetizadores y cosas de estas de ordenador. Y graba cosas modernas. Te ha quedado como estas cosas modernas. Estas cosas de los jóvenes de ahora. Y entre las canciones que compone una canción que se llama Immortel, que le ofrece al mismísimo Alain Bashung, que rechaza para su disco Blue Pet Hole. Más que nada porque Immortel va de Dominique se la dedica a alguien que ya está muerto, y Alain Bashung resulta que es que se estaba muriendo en aquel momento. Estaba haciendo ese disco, pero tenía un cáncer de pulmón y sabía que le quedaba tiempo. Poco tiempo de vida y como que no estaba de ánimo, aunque... Lo mismo se lo tomó como una indirecta y todo. No, él reconoció que le había dado pena no grabar la canción porque le encantaba, pero la rechazó para ese gran disco que es Blue Patrol. Y bueno, se la quedó Dominique, la hemos ganado para un disco de Dominique. Eso es, escuchémosla. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous nos faces avinées. Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Se mordant la bouche, le gouant revenait, et qu'il y avait du sang qui ne sécherait pas. Tu me donnais la main pour boire de ce sang-là. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels, immortels, immortels. As-tu pensé parfois que rien ne finirait et qu'on soit là ou pas, quand même on y c'est toi qui n'es plus là. C'est comme si tu étais plus immortel que moi. Mais je te suis de près. Je ne t'ai jamais dit, même somme immortel, immortel, immortel. En 2012 saca Vers les Lueurs, un disco de temática eminentemente ecologista y con temazos, la verdad. Con una orquestación que puede recordar de alguna manera a Tu Sera como Avant, pero quizás de una manera más orgánica, más acorde con el tema, las letras del disco. Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Pues sí. Recordaos que ha sacado disco también, que sacó Eleog. El año pasado. Que ya hemos puesto en programas anteriores algunas de sus canciones. Y algo volveremos a poner. Sí, sí. También está muy bien. Pero os vamos a dejar con este temazo de este Vers les Lueurs que se titula Contra un arbre, contra un árbol. Agur. Agur. Oublie la ville. Oublie la vitesse, oublie l'agression verbale contre un arbre. Vois les nuages passer, le ciel s'ouvrir. Écoute la rivière se taire, personne pour vous regarder. Contre un arbre, contre un arbre, les jours à cran. Les jours qui font écran, ils se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces. Contre un arbre, laissez-vous faire, laissez-vous vous porter. Laissez-vous faire.